En Bulgarie, la ville de Belgrade-Tchik a abrité un rassemblement le 14 juillet à l'occasion du mois de la solidarité avec le peuple coréen. Dans la salle de cérémonie se trouvaient exposées les photos qui montrent les espoirs du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il. Au rassemblement ont participé les personnalités de différents milieux et les habitants. L'ambassadeur coréen et ses collaborateurs y ont été invités. Le rassemblement a adopté un message de félicitations à l'adresse du camarade Kim Jong-un. Par ailleurs, à l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le président du Conseil suprême du Nouveau Parti socialiste de Roumanie a inséré le 13 juillet dans le homepage d'Internet un écrit qui exalte la stratégie militaire et les méthodes de combat du président Kim Il-sung qui a conduit à la victoire la dernière guerre de libération de la patrie.